minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. Liftoff. Liftoff. Gentlemen, we interrupt our program. Écoutez Planète Indie sur votre fréquence préférée et partez à la découverte de nouveaux horizons musicaux. We are as monsters. KLSU. Nord au sud, est en ouest, ouest. Stay tuned for more rock and roll. It's 90.5 KCSU for Charlotte. You hear it before they kill it. This is new music on U92 FM. Attention, ladies and gentlemen, allez directement maintenant. Bonjour à toutes, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver en ce samedi après-midi, samedi ensoleillé aujourd'hui. Nous sommes le 3 août et c'est l'épisode numéro 411 de Planète Indie. Je ne sais pas, vous êtes peut-être en train de nous écouter au bord de la piscine, peut-être dans les magasins, peut-être sur la route, peut-être que vous n'êtes pas de la région et puis que votre autoradio s'est branché sur RGL et que vous découvrez Planète Indie, en tout cas où que vous soyez, soyez les bienvenus. On va passer une heure et demie ensemble pour découvrir le meilleur de la musique indépendante, le meilleur de la musique alternative. Et puis il n'y aura pas que de la musique, on aura aussi notre parenthèse BD. On pourrait l'appeler comme ça, je l'appelais capsule BD, mais on pourrait dire parenthèse BD, c'est pas mal aussi. Et puis on parlera aussi de la programmation des salles de la région, mais en ce moment c'est assez calme, on va dire, c'est la période de vacances. Alors je vous propose de commencer tout de suite la programmation musicale de cette fin d'après-midi avec les Français de No More Winters. Bah oui, l'hiver, c'est pas trop d'actualité en ce moment. No More Winters avec un morceau qui s'intitule Garage Princess. On va le dédier à toutes les princesses qui nous écoutent. Et puis après cela, ce sera une nouveauté, puisque c'est la première fois qu'on les entend dans cette émission. Le groupe White All Bed, Hand Me Down Girl. Bah oui, on est très très girly en ce début d'émission. Style. Judy got looks. Judy got leopard boots, freckles, and a smile that leaves you dangling from a hook. Judy got talent. Judy got skills. Judy got a creative sparkle matching them nimble hands that make it real. She's a garage princess in a tear-stained dress. The garage princess, and I know all that she needs is just the power to believe. Judy got class. Judy got wits. Judy wants someone to be whole with around her, but she's afraid she can't commit. Judy got strength, but she needs more. Judy got tired of getting hurt. She curls up into a ball and shuts the door. She's a garage princess in a tear-stained dress. A garage princess, and I know all that she needs is just the power to believe. Judy feels cold, Judy feels sore. She stopped wondering if someone ever will stretch out the hand she's craving for. She's a garage princess in a tear-stained dress. Garage princess. you on the steps before our greatest descent. In a midnight town where we paid too much rent, we covered our dreams with liquor, leather, and soil. Found a place where our good lives could recoil like a pistol that was shot twice in haste. Little birds will fall from the sky. Let's make a better you and I. My tough punk rock angel, soft as a hand-me-down girl. Soft as a hand-me-down girl. Everything that gets full gets empty again. Bags of marijuana, bottles of sapphire gin, cigarettes rolled tight, tobacco on the floor, guitar, silver, beat, amps and pain. I never said I was the same. Little birds fall from the sky. Let's make a better you and I. My tough punk rock angel, soft as a hand-me-down girl. Soft as a hand-me-down girl. Headed out west, then east once again. Tried to make up for our parents' failed lives. Found ourselves trapped in a house with a fence. Everybody's gotta break their heart open wide. It's a diamond crushing landslide. The little birds will fall from the sky. Make a better you and I. My tough punk rock angel, soft as a hand-me-down girl. Soft as a hand-me-down girl. That was several bright book burnings ago. We changed our names, our homes, our cell phones. Covered our ink as the forgetting grows. I clearly recall now how you kept all those bones, and I was left naked, free and clear. Little birds will fall from the sky. Let's make a better you and I. My tough punk rock angel, soft as a hand-me-down girl. Soft as a hand-me-down girl. Soft as a hand-me-down girl. Soft as a hand-me-down girl. Hand Me Down Girl, c'était Wild, White All Red. Et avant cela, on a commencé avec les Français de No More Winters et Garage Princess. Et bien, j'espère que la programmation musicale, en tout cas le début de programmation musicale, vous plaît et que la suite vous plaira tout autant. Je vous disais tout à l'heure, et bien, que vous pouviez nous écouter via les ondes de RGL. Il n'y a pas que ce moyen-là, d'ailleurs. Vous pouvez aussi nous retrouver dans les bouquets de postes, notamment au Luxembourg, de Vous et de Proximus en Belgique. Et puis via internet, soit sur le site de RGL, www.rgl.lu, ou le site de Planète Indie, www.ilovemusic.ga. Et puis tant que j'y suis, eh bien, je vous signale aussi que le podcast de cette émission sera disponible sur notre site internet dès ce soir ou demain. Et puis cette émission aussi sera rediffusée demain aux mêmes heures et sur cette même fréquence. Si vous voulez nous faire part de vos commentaires, eh bien, sur la programmation, ou nous faire part d'artistes que vous avez découverts et que vous aimeriez, eh bien, que nous aussi nous découvrions, n'hésitez pas, rejoignez-nous. Nous avons un groupe sur Facebook, c'est simplement Planète Indie dans Facebook, et puis bienvenue. Allez, on poursuit avec le groupe Skittish, We're All Crazy, et puis après cela, un morceau bien ensoleillé, c'est Nidia Ortiz, Bésame Mucho, ce qui veut dire, je pense, embrasse-moi beaucoup, quelque chose dans le style, mais c'est de la musique soleil, vous allez voir. Outsiders in an inside world, hesitation of the notion that maybe I am the strange one here. Now I welcome you to my head. Wipe your shoes and excuse the mess. I made a spare key to my psyche just for you. And show your mind if you're sure but yours. Ooh, what would you do if you knew you're thinking what I'm thinking? Simply play along and let the benefits keep coming. And I'm the driver of a speeding car, leaning into every turn real hard. The horizon is approaching rapidly, and I cannot stop to ask the way. Ooh, what would you do if you knew you're thinking what I'm thinking? Que tal vez mañana Promis du soleil dans la radio, qu'est-ce que vous dites de ça? Elle s'appelle Nidia Ortiz et le morceau s'intitule Bésame Mucho. L'avantage avec ce genre de chansons et de musique, eh bien, c'est qu'il n'y a pas besoin de faire, d'avoir fait beaucoup d'espagnol pour comprendre ce qu'elle dit. Hein. Embrasse-moi, embrasse-moi beaucoup, comme si cette nuit c'était la dernière fois. C'était un peu le thème central de cette chanson et on aimerait que ce soit à soi qu'elle s'adresse. Enfin bref, 17h19, passons à la découverte de notre album Powerplay si vous le voulez bien. C'est un album qui va nous emmener sur la côte est des États-Unis, un album qui s'intitule Talk to Me. C'est un album du groupe Les Complaints, en français Les Plaintes ou Les Réclamations. C'est un groupe de rock moderne dirigé par le guitariste et le personnage principal qui s'appelle Dean Petrella. Il est accompagné de son bassiste qui s'appelle Chris Cruz. Et puis il y a un troisième larron dans l'aventure, il s'appelle Anthony Marotz. Et lui, il est aux percussions. Le groupe s'est formé en 1997 et il s'est retrouvé rapidement à jouer dans les endroits les plus chauds de la côte est pour le rock and roll. Il cite notamment le CBGB, Mercury Lounge, The Bitter End, tout ça c'est à New York. CBGB c'est à Providence dans Rhode Island. Oui, je vous ai pas dit, ils sont originaires de Providence dans le Rhode Island. Ou encore le Loopers Heartbreak Hotel, ainsi que le Middle East à Boston. C'est un groupe qui a su s'entourer. Hein. Il a enregistré avec quelques-uns des producteurs ou ingénieurs les plus en vue dans l'industrie, à savoir Chris Lord-Alge, qui a notamment travaillé avec Coldplay, Amy Winehouse, Green Day, Bruce Springsteen ou Madonna, donc c'est pas rien. Ou encore Shelley Yacous, qui a son palmarès Tom Petty, U2, Suzanne Vega, ainsi que Phil Green. Ils ont partagé la scène aussi avec pas mal de groupes d'envergure nationale aux États-Unis, comme les groupes Train, Jim Blossoms, Sugar Ray, Young Underground, Collective Souls, Guster, Nickelback. Ils ont gagné plusieurs récompenses, notamment l'album de l'année pour le magazine Fear à Providence, pour leur album Fear dans le Providence Phoenix Best Music Poll. Fear, c'est leur tout premier album. Meilleur artiste, meilleur chanteur masculin et groupe de l'année dans le New England Motif Magazine. Ils ont aussi eu l'occasion de jouer sur fameux festival South by Southwest à Austin au Texas ou encore au Texas Indie Festival. Je vous propose d'en écouter un premier extrait. Le morceau s'intitule Breathe, donc on va respirer un bon coup. Je vous rappelle leur nom, c'est le groupe Les Complaints et leur album s'intitule quant à lui Talk to Me. Power Play. Power Play. I tried believing, I tried to reason. I feel like screaming with your sleeping here, afraid of the last sleep. All I do is stare away. It comes on, away. It goes on. Now I can't breathe. I watch you sleep. No, I can't breathe. I watch you sleep. I think I'm leaving. I think I'm dreaming. My mind is a hell that no devil could dream. The gods have conspired, it seems they're mocking me. The way it comes on, the way it comes on. Now I can't breathe, I watch you sleep. No, I can't breathe, watch you sleep. Lean it down. But I can't stop thinking my almost been left me. When I turn my feet, I can what I not see. Awake, it comes on. Awake, it comes on. Now I can breathe. Watch you sleep. No, I can't breathe. I watch you sleep. Sometimes it soothes me when I watch you breathing. But I get so jealous when I watch you sleeping. Sometimes it soothes me when I watch you breathing. Don't you ever think about all of those breathing? Cause I do, I do. C'est notre powerplay aujourd'hui dans Planet Indie, il s'appelle The Complaints. On écoutait le morceau Breathe et on les retrouvera encore deux fois d'ici la fin de cette émission. Donc d'ici 18h30 pour l'heure, eh bien, si vous sortez ce soir en boîte ou je ne sais où, c'est peut-être le style de musique, c'est probablement le style de musique que vous allez retrouver, mais probablement pas ce morceau-là parce que eh bien, nous, eh bien, on vous passe des exclusivités. Et oui, alors aujourd'hui, ce sont les Fratelli Stellari. Avec un morceau eh bien, qui vous incite à danser, Gonna Make You Dance. Et puis après cela, eh bien, on ira sur l'album de Golden Apes, une autre nouveauté qu'on a découverte le mois dernier, si je ne m'abuse. On les écoutera avec Deliverance. Thank you. Hey, this is Derek Thompson from Strive, and you're listening to Planet Indie. Hi, my name is Monica Jalili, and you're listening to Planet Indie. Hi, my name is Anya Parker-Lentz, and you are listening to Planet Indie. Shaking the death of your Très bon album sorti chez Ainos Records. L'album s'intitule Casbeck, c'est le groupe Golden Apes et on écoutait le morceau Deliverance, probablement eh bien, un power play au cours d'une prochaine émission. Pardon. Si vous le voulez bien, on va passer en revue la programmation de nos partenaires de la Rocale. Eh bien, c'est très simple, au mois d'août il n'y a pas de concert puisque relâche pour les vacances. À signaler à la rentrée, eh bien, Catherine Ringer qui chante Lerita Mitsuko, ce sera le 21 septembre. Le 5 octobre, on peut vous signaler aussi l'avenue de M. Le 8, l'Erasmus, ou encore eh bien, Lindsay Sterling qui revient, et elle, ce sera le 11 octobre. Du côté de Neumünster, eh bien, c'est à peu près le même combat, puisqu'il n'y a pas de concert prévu en ce moment. Il y a des expositions qui se tiennent jusque fin août, début septembre. Et puis, il y aura un festival Aero Waves Dance Festival Luxembourg. Ça se passera 3, 5, 7 septembre, si je ne m'abuse, de toute façon, on vous en reparlera à ce moment-là. Je suis en train de regarder quand c'est la date de la prochaine émission, si on aura le temps d'en reparler avant. Bah oui, on pourra vous en parler pour le 7, parce que 3 et 5, l'émission se tiendra le 7. Voilà, on ira voir aussi du côté de la Culture Fabrique, ça ce sera pour un peu plus tard si vous le voulez bien, mais je vous signale que ça sera à peu près le même genre. Pour l'heure, on va retourner d'ici quelques minutes sur notre album Powerplay, l'album... Talk to Me du groupe The Complaints. Je vous ai mis une vidéo sur notre groupe Facebook. Avant cela, eh bien, on va encore écouter West of Eden tout de suite avec Pretty Please. Et puis après, on écoutera les Leaf Rapids. There they go. At first, only silence. Await for the storm, then drums in the distance and cannons that roar. My side is prepared, let the battle begin. In this war we keep fighting, guess nobody wins. I'm tired and weary, I'm down on my knees. I'm begging you, pretty please. Two pots and no peace. We're rocking our boat on the wildest of seas. I tried for too long now, the end's overdue. It's time to succumb, love, it's time to let go. I'm tired and weary, I'm down on my knees. I'm begging you, pretty please. We promise forever and think ourselves clever. It's such a predictable plot. The highest of fences, the deepest of trenches, to prove that we're right when we're not. Oh, just make it stop, all the pleas and the praying. Your voice is so loud, I can't hear what you're saying. The songs that you're writing, the words that I sing, are hollow and bland, they don't mean anything. I'm tired and weary, I'm down on my knees. I'm begging you, pretty please, pretty please. There they go, up all night, don't know why, gazing at the lights in the summertime. What I'd give to feel a breeze, they don't let you open the windows from up there. Pacing round and round the fountain, he's there every night on rafter rock. When he throws back his head like he's howling for the dead, exactly what he's going on about. There he goes. Voilà, c'était une autre nouveauté dans la programmation d'aujourd'hui. Le groupe Leaf Rapids, on les écoutait avec There They Go. Et avant cela donc, le groupe West of Eden, un morceau intitulé Pretty Please. Retour sur notre album Powerplay. Le groupe mis à l'honneur aujourd'hui, c'est donc le groupe de Complaints, le groupe originaire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de Providence dans le Rhode Island. Et l'année 2019, eh bien, s'annonce assez bonne. Ça s'annonce être un bon cru pour les Complaints, puisqu'ils viennent de sortir donc leur quatrième album complet qui s'intitule, je vous le rappelle, donc Talk to Me. Ils sont aussi en train d'écrire des musiques, notamment pour des bandes originales de films. Et puis ils font toujours à peu près leurs 150 concerts par an. D'ailleurs, ils sont fiers de pouvoir dire que même pendant la période de crise économique qui a prévalu il y a quelques années, eh bien, peu importe cela, eux, ils continuaient à tourner. Et donc, ils faisaient toujours leur quota plus ou moins de 150 à 200 concerts par an. Cet album Talk to Me, eh bien, c'est une très belle collection bien ciselée, une collection artistique de 8 morceaux et ainsi que il y a un 9e qui est bien une revisite ou une reprise de la plage d'ouverture, mais dans une autre version. C'est Dean Petrella, que je vous disais tout à l'heure, qui était le membre proéminent du groupe, et bien qui a écrit la majorité des chansons, et l'album est une coproduction entre le groupe lui-même et l'ingénieur dont on a parlé tout à l'heure, Phil Green, qui a notamment travaillé avec les New Kids on the Block ou Mighty Mighty Boston's. C'est un album bien équilibré et convaincant. Au niveau de l'équilibre, eh bien, on remarquerait qu'il n'y a pas vraiment de compétition entre la guitare, la basse ou les percussions. C'est la musique, on peut dire, eh bien, c'est familier, mais c'est commun en même temps, puisque c'est quelque chose qui nous fait découvrir ou redécouvrir quelque chose qu'on connaît déjà. On peut citer comme influence eh bien, Tom Petty, Radiohead, Coldplay ou encore Matchbox 20. Que vous dire de plus? Eh bien, rien. On va laisser la musique parler d'elle-même. Je vous propose d'écouter le morceau qui s'intitule Wouldn't Change a Thing. C'est eh bien, un morceau assez bien conçu pour la radio. Vous allez voir par vous-même. Je vous rappelle le nom du groupe, Les Complaints. C'est notre powerplay aujourd'hui en Planet Indie. Et leur album s'intitule Talk to Me. C'est leur quatrième album complet. Power play. We're just getting older, so you say. All my clever words can't.

Hold me tight, don't let me drown. When my leg is shaky, hold my hand and make it stop. When the rain is falling down, hold me tight, don't let me drown. When my leg is shaky, you're the one. And when I wake up, I open my eyes, hoping for the sunlight since you left me. Boy, I'm torn inside. Stupid, foolish, that's how you do this. Ain't gonna pretend anymore. S'appelle Karen Palitz-Dottir. Alors avec un nom pareil, inutile de vous parler de ses origines, on a deviné tout de suite qu'elle est islandaise et son morceau s'intitule Catch Me If You Can. On a vu tout à l'heure la programmation de la Rocale et de Neumünster. On peut aller faire un tour sur celle de la Culture Fabrique, mais comme je vous disais, c'est un peu le même combat au mois d'août. Il n'y a pratiquement rien de prévu. Donc, on peut pointer du doigt pour le mois de septembre, la Nuit de la Culture, le samedi 14. Le vendredi 20, ce sera le Vibe Release Party. Et il y aura aussi le Rate Lash Open Stage. Ça se passe un vendredi par mois entre 20h et 23h30. Que vous signalez d'autres? Eh bien, encore deux dates si vous le voulez. La venue de Riverside, un groupe rock polonais. Ça se passe le mercredi 25 septembre, c'est à 20h. Et puis le samedi 21, This is Forevermore, c'est luxembourgeois. Et ça se passe donc le samedi 21 septembre à 20h. Voilà, comme ça on a fait tout le tour. D'ici quelques minutes, on retournera sur notre album Powerplay. On ira aussi faire notre petite parenthèse BD avec un album un peu particulier, vous verrez aujourd'hui, mais ça en vaut la peine. Et puis je vous parlerai aussi d'un concours de bande dessinée. Ça c'est pour dans quelques minutes. Je vous propose de continuer en musique avec le groupe Deep Dark River Starfire. Ça c'est le nom du morceau. Et puis on écoutera Michael Tyree, I Don't Know Why. Bah, moi aussi, si je le savais, je serais plus savant. There is a place where the lions reach the stars. Unchallenged, he treads alone. Fearful silent in the wood, so narrowed with age, guided to the crags above, seeking the final day. Well, he knew as he strode that the day had finally. And become undone. No roads were there to bar his way, no woodland beasts, for they alone knew the path he trod, so he might pass in summit. The starfire crying, the whole of the world basking in its light, and the words they long escaped him in the beauty of that place, and all his world felt burning in an arc, an arc of beauty's grace. Well, the vast and open void cast forth a primal blaze, fueled by worlds beyond the stars, beyond our ancient gaze, soaring through the skies of dust, smoke and tendrils trail behind. The ground it shook and the fires awoke deep within his mind. Oh, and the roar that was a whisper grew violent and raised, the whole of the world basking in its grace, and the words they long escaped him in the calmness of that place. What he gazed upon that night was the end of everything. The words they long escaped him in the horror of that place, and all his world fell burning on and on. Thank you. Il s'appelle Michael Tyree et il ne comprend pas. I don't know why, je ne sais pas pourquoi. T'inquiète pas, Michael, moi aussi, il y a plein de choses que je ne comprends pas. Alors, 18h05, eh bien, faisons notre petite pause BD, si vous le voulez bien. Et j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui un album un peu particulier. Vous allez voir, ça s'appelle Cigarette et le sous-titre, c'est Le dossier sans filtre. Saviez-vous que le tabac est arrivé en Europe avec Christophe Colomb, qui avait remarqué que les Amérindiens s'enivraient des fumigations de ses feuilles roulées? Que le pape Urbain VIII en a interdit, sous peine d'excommunication, la consommation dans les églises, sous quelque forme que ce soit, en 1641. Que lorsque la fumée est inhalée dans les poumons, la surface d'échange avec le corps est équivalente à celle d'un court de tennis, alors que si elle reste dans la bouche, cette surface est relativement faible. Malgré toutes les tentatives faites pour entraver et ralentir sa progression, l'industrie du tabac reste l'une des plus lucratives, mais aussi l'une des plus meurtrières et polluantes. Notre guide tout au long de cette enquête, M. Nico, personnification parfaite et même pas caricaturée de l'industrie du tabac, nous entraîne à la découverte de l'envers peu reluisant du décor. Parmi les différentes thématiques abordées, soulignons les chapitres « Marketing mon amour » qui est un condensé des trouvailles publicitaires inventées par les cigarettiers et reprises ensuite par les industriels de tous bords, ou le chapitre « La science » qui est particulièrement éclairant sur tous les éléments qui entrent dans la composition d'une cigarette. Non, il n'y a pas que du tabac. Éléments tous plus chimiques, plus nocifs les uns que les autres, et sur le rôle rempli par chacun de ces additifs, personnellement je dirais même addictifs, pour renforcer l'accoutumance des fumeurs. Il y a tant de choses à dire au sujet de ce fantastique et édifiant documentaire qui ne cherche pas tant à nous convaincre de la nocivité de la nicotine et de la cigarette, mais nous raconte plutôt comment elle a fait son apparition, a creusé son trou et accessoirement celui de nombreuses personnes. On avance le chiffre de 7 millions de décès par an et s'est imposé dans un certain mode de vie actuel. Tout ceci grâce à l'imagination débordante des commerciaux, publicitaires et lobbyistes à la solde de Big Tobacco, couplé à un trésor de guerre tout aussi débordant de cash cette fois. Cette combinaison gagnante a aussi permis à toute l'industrie de contourner ou surmonter à un tous les obstacles et de se renouveler quand ce fut nécessaire, en prônant l'émancipation des femmes, des jeunes, en conquérant Hollywood ou en se déplaçant en Europe de l'Est, en Asie ou en Afrique. Derrière tous les événements présentés dans ce livre, qui ont fait la petite ou la grande histoire de la cigarette, tous les faits, chiffres sont annoncés comme authentiques. En fin de livre, un dossier contenant des données chiffrées, des références de livres, d'articles, de rapports scientifiques, ainsi que des réponses aux questions fréquemment posées, permet au lecteur d'en savoir plus sur le phénomène de la cigarette. La forme, elle, est tout aussi soignée et réussie. Le dessin est inspiré des science-fiction américaines avec des personnages expressifs et une couverture à l'aspect de paquets de cigarettes, enfin, avant qu'il n'aborde les fameuses images choc. Petit bémol parfois sur la chronologie qui peut être un peu ténébreuse en première lecture à certains moments. En conclusion, on peut dire que c'est un livre très drôle, très instructif, mais surtout très cynique. Ce livre s'adresse finalement à tout le monde, aux fumeurs bien entendu, mais aussi à tout un chacun. On y découvre les coulisses de l'une des plus grandes manipulations de masse de tous les temps. Bref, un livre documentaire à vraiment mettre entre toutes les mains. Voilà, c'était notre capsule BD du jour. J'espère que ça vous a donné envie d'en savoir plus. En tout cas, je trouve que ce livre est vraiment fantastique. J'ai mis aussi dans la, comme je le fais chaque fois maintenant, dans le groupe Facebook, eh bien, la couverture de l'album ainsi que la dernière partie de l'analyse, la petite conclusion. Voilà, poursuivons en musique. Alors, si vous le voulez bien, on va écouter encore Layden Robinson avec le morceau Someday, puis Mircha Wrong Side of Heaven avant de retourner pour la troisième et dernière fois sur l'album Powerplay, l'album des Complaints, Talk to Me. She's alone on an empty sea where she searches for some, but it's flowed away. She is wishful, blissful, selling her soul to the dead. But what is she saying? Whoa, what about promises we made? Whoa, feel you, love you. Whoa, what about sacrifices made? Whoa, in what is our savior, and will we pull through? Will we survive this game?

Et puis ils ont sorti deux singles, Trade Up et Southside Suicide. Tous ces albums, tous ces morceaux sont disponibles en format digital sur la, eh bien, la plupart des plateformes de distribution. Que vous dire de plus aussi, bah, leur site internet, c'est pas compliqué, thecomplaints.com, tout ça en un mot. Et puis bah, vous retrouverez sur notre page Facebook aussi une vidéo que je vous ai mise à disposition. Et puis voilà, on va écouter un troisième morceau. Je vous ai dit tout à l'heure, eh bien, que l'album comportait 8 morceaux plus un morceau qui était revisité. C'est le morceau de View, c'est la plage d'ouverture et puis aussi la plage de fermeture. C'est la version sombre, la version dark. Eh bien, c'est celle-là que je vous propose d'écouter pour clôturer notre découverte de cet album. Donc le morceau de View, la version dark par le groupe Les Complaints. Power play. Power play. Sur le pretty day, Je vais profiter de ce morceau qui est un peu instrumental pour vous parler du concours de bande dessinée dont je vous parlais tout à l'heure. C'est un concours sur le thème du changement climatique, un concours organisé par la plateforme numérique de publication de manga et bande dessinée indépendante Manga Draft, ainsi que par la société japonaise Celsius, qui produit le logiciel graphique Clip Studio Paint. Ce concours est ouvert à toutes et à tous, amateurs comme professionnels. Les personnes intéressées à participer à ce concours auront 2 mois à partir du 5 août, donc dans 2 jours, pour soumettre une histoire qui doit faire entre 8 et 16 pages. 3 gagnants seront déterminés par les votes du public et d'un jury. À gagner, eh bien, il y a 500 euros plus un logiciel graphique Clip Studio Paint X ainsi qu'une tablette Intuos Pro. Pour tout renseignement, vous pouvez vous inscrire sur le concours via la page mangadraft.go.mangadraft.com/c2019 pour concours 2019. On arrive tout doucement au bout de la programmation de ce soir. Je dois encore vous passer le morceau de David Earl Glendale. C'est un artiste qu'on commence à découvrir puisqu'on passe de temps en temps de ses morceaux extraits de cet album. Prochain powerplay, un des prochains powerplay aussi probablement. J'étais très heureux de passer ce début de soirée en votre compagnie. C'était l'émission numéro 411 de Planet Indie. Elle sera rediffusée demain aux mêmes heures sur cette même fréquence. Et puis le podcast sera disponible dès ce soir sur notre site internet et via notre page Facebook, notre site internet www.ilovemusic.ga. Et puis vous tapez Planet Indie dans Facebook et vous arrivez directement chez nous. Prochaine émission, ce sera le 7 septembre pour la rentrée. D'ici là, passez une bonne fin de soirée. Un bon dimanche, un bon week-end, portez-vous bien et à très bientôt. Et on se quitte donc avec David Earl et le morceau Glendale. The Jewel of the Verdugos. Have you ever looked around for a perfect gem and found it right under your nose? Ain't gonna worry about what not. I wanna hurry cause I've got put back into my step of skipping money. I bet you'll give me my best shot. On my way to her today, good mood met me halfway. My own movie has begun. There's many scenes, but just one I want to replay. Well, I'm a-going to Glendale. Yes, I'm a-headed to Glendale. Just like I did when I was a kid, I ain't seen her fail. She lived there way up high above Kenneth Road. And I rode, yeah, my bicycle there. And she showed me how it felt to feel like a man in love with a girl and with the whole wide world. And Glendale, it all began. Have a Glendale too. I said, do you have your own Glendale too? Showed me how it felt to feel like a man in love with a girl and with a whole wide world in Glendale. Happen it can. I know you got your own Glendale. I know you got your own Glendale. I know you got your own Glendale.